Exposition sur la salutation angélique par saint Thomas d'Aquin. Il ne convenait pas que l'ange s'inclinât devant l'homme, jusqu'au jour où parut une créature humaine surpassant l'ange. Par sa plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu et par sa dignité, cette créature humaine fut la bienheureuse Vierge Marie. Dans ce paragraphe, nous allons voir le premier caractère qui l'a fait surpasser les anges, la plénitude de grâce. Et la bienheureuse Vierge la possède à trois titres. Quant à la grâce qu'elle reçut en plénitude, puisque Dieu la donne pour deux motifs, pour faire le bien et pour éviter le mal. Ensuite, quant à la manière dont elle l'a reçue dans son âme, en plénitude. Et cette plénitude se manifeste dans le rejaillissement de la grâce de son âme sur sa chair et sur tout son corps. Enfin, dans une plénitude comme surabondante, au point de répandre de sa plénitude sur tous les hommes. Pour manifester cette prééminence, l'archange Gabriel s'inclina devant elle et lui adressa ces paroles « Vous êtes pleine de grâce », ce qui revenait à lui dire « Je vous révère parce que vous me surpassez par votre plénitude de grâce ». On peut envisager la plénitude de grâce de la bienheureuse Vierge de trois manières. En premier lieu, son âme possède toute la plénitude de grâce. Dieu donne la grâce pour deux motifs, à savoir pour faire le bien et pour éviter le mal. À ce double point de vue, la bienheureuse Vierge fut favorisée de la grâce la plus parfaite. D'abord, car elle évita le péché mieux que tout autre saint après le Christ. Ensuite, car la Vierge accomplit également les œuvres de toutes les vertus. Elle évita le péché mieux que tout autre saint après le Christ, car le péché est soit originel, soit actuel, alors mortel ou véniel. La Vierge fut préservée du péché originel dès le premier instant de sa conception, et elle demeura toujours étrangère à tout péché, mortel ou véniel. Aussi est-il dit à son sujet dans le Cantique des Cantiques « Vous êtes toute belle, mon amie, et sans tache aucune. » Hormis la Sainte Vierge, dit saint Augustin dans son livre de la Nature et de la Grâce, tous les saints et les saintes durant leur vie terrestre, à la question suivante « Êtes-vous sans péché ?» se seraient écriés d'une voix unanime « Si nous disions nous sommes sans péché, nous nous tromperions nous-mêmes et la vérité ne serait pas en nous. » La Vierge Sainte, elle, fait exception. Pour l'honneur du Seigneur, quand il s'agit du péché, je veux qu'il ne soit jamais question d'elle. Nous le savons en effet, à elle il fut donné une grâce plus abondante pour triompher complètement du péché. Elle mérita de concevoir celui qui assurément ne fut souillé d'aucune faute. Mais le Christ surpassa la bienheureuse Vierge. Sans doute l'un et l'autre furent conçus et naquirent sans le péché originel. Mais Marie, contrairement à son Fils, y était soumise de droit. Et si elle en fut de fait totalement préservée, ce fut par une grâce et un privilège singulier du Dieu Tout-Puissant et en vue des mérites de son enfant, Jésus-Christ, sauveur du genre humain. La Vierge accomplit également les œuvres de toutes les vertus. Les autres saints excellèrent en quelques-unes d'entre elles. Celui-ci fut humble, celui-ci fut chaste, cet autre miséricordieux. Aussi les offre-t-on comme modèle de ces vertus particulières. Par exemple, on présente saint Nicolas comme modèle de la miséricorde. Mais la bienheureuse Vierge, elle, est le modèle et l'exemplaire de toutes les vertus. En elle, vous trouverez un modèle d'humilité. Écoutez ces paroles. Voici la servante du Seigneur. Et encore, le Seigneur a regardé la bassesse de sa servante. Elle est aussi un modèle de chasteté. De son propre aveu, en effet, elle ne connaît pas d'homme. Et comme il est facile de le constater, elle donne l'exemple de toutes les vertus. La bienheureuse Vierge est donc pleine de grâce. et pour faire le bien et pour éviter le mal. En deuxième lieu, la plénitude de la grâce de la Vierge Sainte se manifeste dans le rejaillissement de la grâce de son âme sur sa chair et sur tout son corps. Que les saints jouissent d'une grâce suffisante pour la sanctification de leur âme, c'est déjà un grand bienfait. Mais l'âme de la Bienheureuse Vierge, elle, possède une plénitude de grâce telle qu'elle rejaillit de son âme sur sa chair, et que de cette même chair, elle conçut le Fils de Dieu. Parce que l'amour du Saint-Esprit, dit Hugues de Saint-Victor, brûlait dans le cœur de la Vierge avec une ardeur singulière, il opérait dans sa chair des merveilles si grandes que d'elle naquit un homme Dieu, conformément au message de l'ange à cette Vierge sainte, un enfant saint naîtra de vous et sera appelé Fils de Dieu. En troisième et dernier lieu, la Bienheureuse Vierge fut pleine de grâce au point de répandre de sa plénitude sur tous les hommes. Que chacun des saints possède une grâce suffisante au salut de beaucoup d'hommes, c'est chose considérable. Mais si un saint était donné d'une grâce capable de sauver toute l'humanité, il jouirait d'une abondance de grâce insurpassable. Or une telle plénitude existe dans le Christ et dans la Bienheureuse Vierge. En tout péril, en effet, vous pouvez obtenir le salut de cette glorieuse Vierge. C'est pourquoi l'époux, dans le Cantique des Cantiques, lui chante « Votre cou est pareil à la tour de David, bâti pour serrer les armes, 1000 boucliers, c'est-à-dire 1000 remèdes contre les dangers, y sont suspendus. En toute action vertueuse également, vous pouvez bénéficier de son aide. Car en moi, dit-elle, vous trouverez toute l'espérance de la vie et de la vertu. » La Vierge pleine de grâce surpasse donc les anges par sa plénitude de grâce, et c'est pourquoi elle est appelée Marie à juste titre. Ce nom signifie en effet « illuminée intérieurement ». Aussi à Marie s'appliquent parfaitement les paroles d'Isaïe « Dieu remplira votre âme de ses splendeurs ». Le nom de Marie veut dire également « illuminatrice des autres dans tout l'univers ». C'est pourquoi Marie est à bon droit, comparée au soleil et à la lune.